بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, chers frères et sœurs en islam, bienvenue à notre deuxième partie majeure de nos séminaires et nos cours sur les sciences de l'Al-Qur'an al-Karim, les sciences relatives au livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a déjà mentionné, notre première partie majeure, qui était la partie principale de toute cette série, a traité sur l'histoire de l'Al-Qur'an al-Karim, l'histoire du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, la transmission du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, du temps du prophète alayhi salatu wasalam jusqu'à aujourd'hui. Cette deuxième partie majeure qu'on commence à traiter aujourd'hui, inshallah ta'ala, traite sur le message de l'Qur'an al-Karim. Ça veut dire maintenant que tu sais que ça c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sais comment est-ce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala a été transmis du temps du prophète alayhi salatu wasalam jusqu'à aujourd'hui. Ce qui importe maintenant c'est de comprendre, parce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un message, c'est une risala qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose qui existe pour le simple fait d'exister. Ce n'est pas un livre qui existe pour que ce soit mis sur nos étagères à la maison pour décorer notre salon. C'est le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala à l'humanité qui nous parle directement. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute parole a besoin d'être comprise, n'importe quelle parole. Sans parler, bien sûr, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la meilleure des paroles et la plus haute des paroles parce que c'est la parole de notre créateur subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, juste pour vous donner un aperçu, on va parler de quoi exactement dans cette partie. Première chose, on va faire une petite introduction sur le contenu de l'Qur'an al-Karim. L'Qur'an al-Karim, ça nous parle de quoi exactement. Par la suite, on va commencer à parler ce qui est en quelque sorte le principal, l'essence de cette partie, c'est parce que pour être honnête avec vous, cette partie, si on se réfère au livre de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en langue arabe, ça veut dire comme les ulama, ils les ont écrits habituellement, ils ne vont pas appeler ça la partie sur le message de l'Qur'an al-Karim, ils ne vont pas appeler ça risalatul Qur'an al-Karim. Cette science qu'on va traiter aujourd'hui, inshallah ta'ala, qui constitue cette partie sur le message du Coran, s'appelle en arabe habituellement usul al-tafsir, les fondements de al-tafsir, ça veut dire les fondements de l'exégèse, de l'interprétation du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On sait tous qu'il y a une science qui s'appelle le tafsir, ça veut dire l'exégèse, l'explication du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a des livres très connus comme Tafsir ibn Kathir, tu vas l'ouvrir et tu vas trouver verset par verset l'explication. Ce verset veut dire telle chose, ce verset veut dire telle chose, etc., etc. Mais avant d'entrer dans ça, il est important de comprendre c'est quoi les fondements de cette science de tafsir. Ça veut dire on ne va pas faire de tafsir aujourd'hui. Notre série, ce n'est pas sur le tafsir. On ne va pas aller chapitre par chapitre. Ça, on le fait dans d'autres cours, inshallah ta'ala. Mais notre but aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui est derrière cette science de tafsir. C'est quoi ces fondements? Qu'est-ce qui nous mène à dire que c'est ça le sens? C'est ça l'interprétation de tel verset ou bien de tel mot? Donc on va parler de cette science de tafsir, on va faire une introduction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi sa méthodologie? Ça veut dire quelles sont les règles à suivre, etc. Par la suite, on va parler aussi de l'histoire de la science de tafsir. Tout comme on a parlé de l'histoire du Coran en détail, on va parler brièvement de l'histoire de la science de tafsir. Comment ça s'est développé? Pour comprendre encore une fois, c'est quoi nos sources de référence quand on interprète le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, on va passer à un autre point qui est important aussi, qui est les différentes approches dans le tafsir du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, pour interpréter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a différentes approches. Il y en a certaines qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes et d'autres qui sont mauvaises et qui sont fausses. Donc on va voir c'est quoi ces différentes approches, des approches de l'ulama, des savants, etc., des approches, d'autres approches qui ont été inventées par des personnes comme ça, n'est-ce pas? On va voir c'est quoi les différentes approches, c'est quoi les différents courants, entre guillemets, et quelles sont les œuvres principales, les livres de référence principales pour ce qui est de chaque approche. Est-ce que c'est clair? Non. Oui, ça va être pour, inshallah, on va parler de ça tout à l'heure, inshallah. Tayyib, on va commencer, inshallah ta'ala, avec notre premier chapitre, qui constitue une introduction au message de Al-Qur'an, une introduction au message du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On doit savoir que le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala regroupe les sciences et les informations nécessaire et importante relative à cette vie du bas monde ainsi que à l'au-delà. Ulum ad-dunya wa ulum al-akhirah. Il nous parle de ce bas monde et il nous parle de l'au-delà. Toute chose qui est importante qu'on doit savoir dans notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé dans le Coran et le Karim de façon qui est directe ou bien de façon qui est indirecte. On va le voir inshallah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et que le Coran et le Karim, son message n'a pas de fin. Son message n'est pas limité. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si l'océan en entier était comme de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'océan deviendrait sèche avant que les paroles de mon Seigneur, avant que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se terminent. Ça veut dire, ça représente même en termes de sens en tant que tel, ça veut dire, tu vas voir, ilm al-tafsir, au contraire de plusieurs autres formes de sciences, comme par exemple le fiqh, la législation, etc. Tu vas étudier une science, tu vas l'étudier en détail, après ça tu vas dire, après un certain moment, tu vas dire, ça y est, je sais maintenant, qu'est-ce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle me dit sur tel point. Tout est compris. Le reste, c'est des détails. Les autres opinions de l'ulama, tu peux, ça n'en finit jamais. Si tu veux lire tous les livres, etc., ça c'est une autre chose. Mais pour comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, tu prends un chapitre, tu le traites en détail, et tu reviens, et tu reviens, et tu reviens, après quelques années, khalas, tu vas le maîtriser. Pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la même chose. Si tu passes ta vie à lire tous les livres de tafsir, d'exégèse, et à faire et à méditer, et à extraire des leçons, et en apprendre plus, tu vas toujours trouver et apprendre de nouvelles choses du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se termine jamais jusqu'au jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas quitter ce monde en quelque sorte. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, le grand compagnon du prophète alayhi salatu wasalam, a dit: Man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an. Il a dit, celui qui veut la science, on a parlé de la science, les héritiers des prophètes, on a parlé de l'importance de la science, etc. Inch'Allah, vous êtes motivés, vous voulez apprendre plus de science et de ilm, n'est-ce pas? Celui qui veut la science, celui qui veut l'ilm, il te dit, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, falyuthawwir al-Qur'an. Qu'est-ce que ça veut dire, falyuthawwir al-Qur'an? Entre guillemets comme ça, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas une traduction comme ça, très précise, mais pour vous donner une idée. Il doit inciter le Coran. Ça veut dire que tu dois faire en sorte d'ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de le Coran Karim. Ça veut dire que le Coran Karim, il est là. C'est le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Si tu es motivé, tu veux entrer dans les détails, tu veux aller en profondeur, tu vas commencer à découvrir des choses et des choses et des choses. Mais si tout ce qu'on fait, c'est apprendre le mushaf comme ça et réciter mot par mot, lettre par lettre, rapide comme ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, Maliki, Yawmiddin. Mon objectif, c'est seulement de finir la récitation. Je ne vais pas gagner grande chose à part le hadr pour la récitation, la récompense pour la récitation. Mais celui qui veut la science, il doit aller en profondeur dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala pour le découvrir. Pourquoi? Il dit « فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ » Car il regroupe à l'intérieur le Coran, il regroupe la science des premiers et des derniers. Ça veut dire la science de l'humanité se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitabillahi azza wa jal. Et Masruq ibn al-Ajda', ça c'est l'un des tabi'in, ça veut dire des compagnons, de la génération après les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Écoutez ce qu'il a dit. ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. Il a dit, à chaque fois qu'on demande une question sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on questionne les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, en réalité, la réponse se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est déjà fait le Qur'an et le Karim. Mais c'est notre science, notre connaissance limitée dans le Qur'an et le Karim qui nous empêche d'avoir accès directement à l'information. Ça veut dire, il est en train de dire, à chaque fois que nous, on est curieux, on a une question comme ça, on veut apprendre, etc., on va se référer à un savant, comme eux, ils se référaient aux compagnons. En réalité, le savant, il ne va rien t'inventer. Si toi, tu étais attaché au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu avais les outils pour aller en profondeur dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver la réponse par toi-même. Les réponses à toutes choses sont dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est des narrations authentiques. Taïm, passons maintenant à une analyse générale du contenu, des types de contenu et des types des sujets, des thèmes qui se trouvent dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Le Coran Karim, il nous parle de quoi? Tout livre en général, il a un thème, n'est-ce pas? Et avec la classification très académique à laquelle nous sommes habitués de nos jours, habituellement, ils vont te dire très clairement, thème numéro 1, thème numéro 2, installation de ton ordinateur, thème numéro 3, utilisation de ton ordinateur, numéro 4, la sécurité, mesure de sécurité envers ton ordinateur, etc. Dans le temps, même après la révélation du Coran Karim, même il n'y a pas de cela très longtemps, n'est-ce pas, les gens étaient entre guillemets comme ça un peu plus intelligents que nous. Ça veut dire, les gens n'avaient pas besoin que tout soit classifié comme ça de façon académique, 1.1, 1.2, etc. Tu peux leur donner plein d'informations comme ça, ils vont distinguer, ils vont organiser ça dans leur tête, n'est-ce pas? Et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'apparente plus à ça. Ça veut dire, il n'y a pas comme ça, ça ne dit pas thème numéro 1, thème numéro 2, thème numéro 3. C'est parce que ce n'est pas un livre purement académique, ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. Parce que l'aspect académique, bien sûr, ça a certains avantages et ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que ça t'organise l'information. C'est quoi les inconvénients? Ça limite dans le sens. Quoi d'autre? Ça ne fait pas réfléchir. Quoi d'autre? Habituellement, un contenu académique est plus sec. C'est sec, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est émotion, etc., ça limite, n'est-ce pas? À chaque fois que tu vas académique, tu commences à réfléchir. C'est 1.1, 1.2, 3 conditions, telle et telle et telle chose, n'est-ce pas? C'est pour ça, habituellement, est-ce que les personnes, ils vont aimer écouter un serment de Jumu'ah, une khutbah de Jumu'ah qui est académique? Imaginez si quelqu'un, le imam, il va monter sur le mimba, il va leur dire, point numéro 1. On passe maintenant 1.1. Il y a 3 conditions, telle et telle et telle chose. Après ça, il y a 4 opinions, n'est-ce pas? Les gens, ils vont dire, ça c'est ennuyant, n'est-ce pas? C'est pas, c'est académique. Dans la khutbah de Jumu'ah, les gens, ils veulent un rappel, quelque chose qui contient de la motivation, n'est-ce pas? Donc, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rationnel, ça nous parle avec notre raison, ça nous fait réfléchir, mais en même temps, c'est un livre qui est miraculeux. Ça parle à notre cœur directement, à nous en tant qu'être humain. C'est comme quelqu'un qui est en train de te parler directement, qui veut du bien pour toi. Mais si on fait une analyse générale, on va retrouver que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général, son contenu ne sort pas de l'un des trois thèmes suivants. Il y a trois thèmes principaux qu'on retrouve dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Premier thème, al-aqidatu, la croyance. Ça veut dire, entre guillemets, ce n'est pas le bon mot, mais pour vous rapprocher l'information, notre philosophie de vie. Tout être humain, il a une philosophie de vie. Il y a des personnes qui disent, moi, ma philosophie de vie, c'est de d'œuvrer pour que les gens disent que j'étais une bonne personne. Moi, ma philosophie de vie, c'est d'être honnête, etc., etc. Nous, notre philosophie de vie réelle, c'est notre aqida, une croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée, qui nous parle des vérités absolues dans cet univers, des questions existentielles d'Allah subhanahu wa ta'ala, de al-malaika alayhi salam, les anges, des prophètes, des messagers du jour dernier. Tout ça, on le retrouve très fréquemment dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le sait tous. Le deuxième thème, c'est al-shara'i'u. Al-shara'i'u, ça veut dire les règles, les législations. C'est quoi le halal, c'est quoi le haram, c'est quoi les choses qui sont bonnes à faire, c'est quoi les choses qui sont mauvaises et qui sont à éviter. Et ça, on le retrouve bien sûr dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé beaucoup de ça quand on a traité de l'histoire dans le Coran Karim. Vous vous rappelez bien, on avait parlé de la différence entre le Mekkois et le Médinois, et que le Mekkois insistait beaucoup sur la croyance, tandis que le Médinois nous détaillait beaucoup plus les règles de la législation, comme dans Sourate Al-Baqara, Al-Nisa, Al-Ma'ida, etc., etc., etc. Numéro 3, le troisième thème qu'on retrouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les rappels, les exhortations. Ça veut dire, maintenant tu connais ta croyance, tu connais ta foi, et tu comprends aussi c'est quoi les bonnes choses à faire, c'est quoi les mauvaises choses à éviter, le halal et le haram. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons des exhortations qui nous encouragent, qui nous rappellent l'importance de suivre la connaissance que nous avons déjà acquérie. Qui peut nous donner un exemple de ça? C'est quoi les exhortations? Un exemple d'exhortation qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose de simple comme ça, de fréquent. Fadda. Excellent. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Oh, vous qui croyez, craignez Allah. Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire, craignez Allah? Ça veut dire, maintenant vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il est votre Seigneur. Il doit être adoré. Que la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sévère. C'est ce que le Coran al-Karim, il nous dit. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger le jour dernier. Que telle chose est halal, que telle chose est haram, elle est à éviter, etc. Maintenant, tu le sais, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah. »« Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullah. » Ça, c'est un rappel. C'est un rappel. Ce n'est pas quelque chose, on va dire, « Ok, je viens de comprendre maintenant. » Ok, on va, ça veut dire, il y a trois conditions comme ça. Non, c'est quelque chose qui te parle directement. Toi en tant que personne et moi en tant que personne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'exhortation. Ou bien التذكير ou bien المواعظ في كتاب الله عز وجل. On a un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Je vais juste finir ce hadith et je vous réponds. On a un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام qui nous donne une indication comme ça sur ces trois thèmes en général, qu'il existe trois tiers dans le Coran Karim. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit comme dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. Il a dit عليه الصلاة والسلام, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, ça veut dire sourate l'Ikhlas, elle est égale à, au tiers de l'Qur'an al-Karim. Au tiers de l'Qur'an al-Karim, pourquoi? C'est parce que قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, c'est la croyance, c'est notre croyance en quelque sorte. Et après ça, tu as bien sûr Sharia et tu as les rappels. Est-ce qu'on a des règles comme ça de fiqh directes qui sont dans sourate l'Ikhlas? Non. N'est-ce pas, ça ne parle pas de la prière, du halal, du haram. Ça nous parle directement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est qui? قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Est-ce qu'il y a un rappel? Non, il n'y a pas un rappel. Ça ne parle pas à nous, ça ne parle pas des êtres humains. Ça parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Créateur. Et dans une autre narration du même hadith qui est dans Sahih Muslim, il a dit, alayhi salatu wasalam, écoutez bien ça, إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a diviser le Coran en quelque sorte en trois parties. Après ça, il a dit alayhi salatu wasalam, faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Et il a fait de qul huwallahu ahad l'une des parties de Al-Qur'an Al-Karim. Il y avait une question? Oui, je me demandais si l'exhortation, la danse, ça faisait partie des attributs d'Allah, parce que tu as dit Allah est sévère, mais Allah est miséricordieux, pardonnant, tout ça, est-ce que ça rentre la danse? La sœur, elle demande sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se réfère plus à notre, ça réfère plus à la partie sur la croyance, sur la aqida. C'est parce que, regardez, la différence entre la croyance et l'exhortation, c'est quoi? L'exhortation, ça parle de nous, en tant qu'être humain. Ittaqillah, crains Allah, ça te parle de toi, de tes actions à toi. Ça veut dire, tes actions à toi doivent être toujours faite en état de conscience de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et des autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance nous parle entre autres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs. Et les deux vont se retrouver parfois dans le même verset. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Craignez Allah, ça c'est quoi? C'est une exhortation. Inna Allah shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition est sévère. Ça, c'est une croyance. Donc, vous voyez, donc l'exhortation va être reliée à la croyance. Wattaqun nar allati u'iddat li al-kafirin. Et craignez les feux de l'enfer qui ont été préparés pour ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez, ittaqu, ça nous parle à nous en tant qu'êtres humains, c'est une exhortation. Les feux de l'enfer, c'est notre croyance. Donc, dans un même verset, tu peux trouver la croyance et l'exhortation. C'est clair? Est-ce que si je comprends bien, c'est comme un avertissement? Comment je peux résumer ça? L'exhortation, c'est comme un avertissement de qu'est-ce qu'il y a alors? Ah, ok. C'est bien. C'est bien que vous m'avez posé cette question pour que j'apporte un petit éclaircissement. Parce que j'ai donné des exemples comme ça sur Ittaqillah, qui représente comme ça un avertissement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la seule forme d'exhortation qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les exhortations que nous trouvons dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être par ce qu'on appelle uslubu targhibi wa at-tarhib. Ça veut dire l'encouragement et la menace, ou bien l'avertissement. L'avertissement, on vient de le voir. Ittaqillah, comme la sœur elle a mentionné. Ça, c'est un avertissement. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous avertit pour nous rappeler la menace qui est la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas seulement ça. Le rappel, parfois, que tu trouves dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'encouragement. Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Que ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui font les bonnes actions, vont voir telle et telle et telle récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il va aider ceux qui sont al-muhsinin, qui sont les bienfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux. Il les protège, etc., etc. Ça, c'est un rappel. Mais c'est un encouragement. Voyez-vous, donc c'est l'encouragement et l'avertissement, l'encouragement et l'avertissement. C'est pour donner un exemple, bien sûr, c'est beaucoup plus grand que ça, mais pour donner un exemple, c'est comme quelqu'un qui va éduquer son enfant. Des parents qui éduquent leurs enfants, n'est-ce pas? C'est exactement ça, c'est les conséquences. Ça veut dire l'une des formes d'éducation, ou bien l'un des styles d'éducation, ce n'est pas la seule chose, bien sûr, mais l'un des styles que tu vas utiliser, c'est quoi? At-targhib ou at-tarhib. Parfois, c'est avec l'avertissement. Si tu fais telle chose, tu ne vas pas sortir aujourd'hui. Si tu fais telle chose, je ne vais pas te prendre pour jouer dehors, etc. Et parfois, c'est avec l'encouragement. Ah, tu viens de faire telle chose. Voilà ce que je te donne comme récompense. Voilà telle chose. Voyez-vous, donc c'est ça ce qu'on appelle at-tarhib ou at-tarhib. Et il y a d'autres formes que nous allons voir dans quelques instants, inshallah ta'ala, comme les histoires, al-qasas. N'est-ce pas? Ça nous parle de... Eh bien, ça représente une forme d'exhortation. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous cite les histoires des passés, des prophètes par exemple, alayhimu salam, des nations du passé, etc. C'est pourquoi? Est-ce que c'est un livre d'histoire, le Coran al-Karim? Est-ce que c'est ça le but principal? Non. C'est pour que ça soit un rappel. Rappelle-toi ce qui s'est passé à telle personne qui a fait telle erreur. Tu ne veux pas être dans la même situation. Rappelle-toi de telle personne qui a fait telle bonne chose. Tu voudrais bien être comme elle. Alors fais les mêmes actions et tu vas voir les mêmes récompenses. Parfois le rappel, il se fait par, on va le voir inshallah ta'ala, par les analogies, al-amthal, ou bien les paraboles, n'est-ce pas? Les exemples. L'exemple de telle bonne action, c'est comme telle et telle et telle chose. Ah, tu vas dire, ah, c'est un bel exemple, n'est-ce pas? Sans mot, je veux être comme ça. L'exemple de telle mauvaise chose, c'est comme telle et telle et telle mauvaise situation. Tu vois, tu vas dire, non, je ne veux pas être comme ça. N'est-ce pas? Donc, ça te parle à toi en tant qu'être humain, c'est des rappels, mais ce n'est pas seulement des avertissements. C'est clair? Taïb. Juste une petite, on va faire comme ça une petite note, une petite parenthèse, sur la partie qui est relative à al-shara'i'. Ça veut dire, quand on a parlé... Encore une fois, les thèmes qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la croyance, les rappels et législation, les règles, n'est-ce pas? Parlons un peu des règles, un peu plus en détail pour dire qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle des règles. Ahkam al-Qur'an yandariju tahtaha jami'u takalif. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de toute notre vie. Voyez-vous, donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tibyanan li kulli shay, comme il a dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ça ne parle pas seulement de la prière, de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, du dhikr. Ça nous parle de nos relations sociales, de nos relations financières, économiques, etc. Ça veut dire, ça nous parle de toutes nos actions, de toutes nos paroles, internes ou externes. Ce que tu penses avec ton cerveau, ce que tu as dans ta conscience, Allah subhanahu wa ta'ala te parle de ça fi kitabillahi azza wa jal, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَعْلَمْهُ. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous allez dissimuler à l'intérieur de vos cœurs ou bien ce que vous allez publier en quelque sorte. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ça. Donc ici, ça nous parle des actions de notre cœur. Je pense à te faire du mal à toi, je pense, je planifie, je t'ai rien dit, n'est-ce pas? Mais je pense te mentir, te faire un coup. Ça, c'est une action qui est à l'intérieur de mon cœur. Mon cœur, il est en train de travailler, de faire une marsiya, n'est-ce pas? Il est en train de faire le haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Alors, le Coran, il nous parle de ça, n'est-ce pas? Donc, le halal et le haram, ce n'est pas seulement dans notre prière, ce n'est pas seulement ce qu'on fait avec nos actions apparentes, c'est même ce qu'on a à l'intérieur de notre conscience et à l'intérieur de notre cœur en quelque sorte. Et comme on l'a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de tout dans le Coran al-Karim, comme il a dit, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, tibyanan wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Nous t'avons révélé le livre, ça veut dire au prophète alayhi salatu wasalam, qui constitue une clarification pour toute chose. Il n'y a rien qui a été oublié dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit de façon qui est directe, annoncée, et soit de façon qui est implicite, de par les règles général dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne al adl, la justice, al ihsan, la bienfaisance et de garder tes liens de famille, de parenté. Voyez-vous donc, ça c'est un verset qui est général. En trois phrases comme ça, en trois mots, n'est-ce pas? C'est une règle générale que tu peux mettre 200, 300, 400 situations à l'intérieur, peut-être même des milliers ou bien des dizaines de milliers à l'intérieur. Ça veut dire, parfois, quand on dit tibyan al-likulli shay, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que ça te parle de toutes les situations en détail, sinon ça serait la plus grande encyclopédie dans l'univers. Ça va te parler de toute personne, etc. Ça, ce n'est pas un livre qui est révélé pour nous. Ça va être Ummul Kitab, n'est-ce pas? Ça va être Lawhul Mahfouz. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé un livre que nous, en tant qu'être humain, on peut porter. On peut l'apprendre, on peut le comprendre. Et par la suite, va et applique les détails. Je dis ça, c'est parce que parfois, il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées, soit des musulmans laïcs, comme ils se disent, n'est-ce pas? Ou bien des musulmans qui ne connaissent pas beaucoup sur leur religion, etc. Il va te dire, oui, mais le Coran, ça ne parle pas de tout. Il n'y a pas les réponses à toutes choses. Donc, on peut inventer d'autres choses comme ça. Et le Coran, ça va être pour notre prière, pour la mosquée, etc. Mais pour notre vie de tous les jours, on ne va pas trouver toutes les réponses. Non, on trouve toutes les réponses. Ce n'est pas nécessairement que toutes les réponses sont mentionnées de façon qui est détaillée. Parce que parfois, la réponse est seulement une petite restriction, une condition. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu respectes cette condition, fais ce que tu veux. Ce n'est pas des procédures nécessairement à suivre, pas à pas, comme ça, minute par minute et seconde par seconde. Voyez-vous? Et je me rappelle ici, il y a une petite anecdote comme ça. Il y a l'un des savants comme ça, il y a un homme qui est venu vers lui, il a dit, « Ya Cheikh, vous prétendez que dans le Coran, il y a les réponses à toutes choses. » Il a dit, « Oui. » Il a dit, mais moi, je peux te poser une question que tu ne vas pas trouver la réponse dans le Coran. Et je te défie de me rappeler, de me ramener la réponse. Il a dit, c'est quoi ta question? Il a dit, je veux savoir quel est, pas le menu, c'est quoi le menu? Je ne suis pas très bon avec ça, je m'excuse. Les sœurs, peut-être, elles vont avoir la réponse. C'est quoi la procédure à suivre pour cuisiner un? La recette, subhanallah, j'ai oublié. C'est quoi la recette pour pouvoir préparer telle forme de galette? Il a mentionné une certaine forme de galette. Il a dit, si tu peux me trouver ça dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, je te donne une semaine comme ça et je vais revenir. Il a dit, pas de problème, tu reviens après une semaine. Après une semaine, il est revenu. Il a dit, est-ce que tu as la réponse? Il a dit, oui, j'ai trouvé la réponse. Il a dit, c'est quoi la réponse? Il a dit, voilà la recette. C'est telle et telle et telle chose, et telle, etc. Il a dit, oui, c'est la bonne réponse. Mais comment est-ce que tu as trouvé ça dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, c'est très simple. Il a dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Référez-vous aux savants si vous ne savez pas. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, n'est-ce pas? C'est une question qui est, c'est une règle générale. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'enseigne dans le Coran Karim que si tu ne connais pas la réponse à telle ou bien à telle situation, qu'est-ce que tu dois faire? N'invente pas la réponse. Va te référer aux personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc tu vas aller chez ton pâtissier du quartier, tu vas lui dire comment est-ce qu'on prépare une telle galette, il va te donner la réponse. Et c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a éduqué, qui t'a appris à prendre cette approche en quelque sorte. Naam. Taïb, il y a combien de versets? Ça, c'est une question importante. Il y a combien de versets qui nous parlent des règles du halal et du haram dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? On va voir un peu plus tard dans cette partie, dans ce séminaire, inshallah, qu'il y a une approche, l'une des approches du tafsir, de l'exégèse, de l'interprétation du Coran Karim, ce qu'on appelle tafsir al-ahkam, tafsir ayat al-ahkam. Il y a des livres de tafsir, comme on va le voir, inshallah ta'ala, qui ne traite principalement que de l'aspect législatif du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est halal, ça c'est haram. Il y a certains savants comme ça qui ont essayé à compter. C'est quoi le nombre de versets qui nous parlent de al-fiqh dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont mentionné un chiffre que je ne me rappelle pas, je n'ai pas comme ça en tête maintenant, n'est-ce pas? Mais en réalité, si on va penser de façon qui est plus précise, presque chaque verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous aider à comprendre certaines règles de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la législation, de façon qui est directe ou bien de façon qui est indirecte. De façon qui est directe ou bien de façon qui est indirecte. On dit ça pour ne pas tomber dans l'erreur de dire que moi je veux m'intéresser à l'aspect législatif dans le Coran Karim. Alors je vais chercher les versets seulement qui nous parlent des règles. Et je vais dire tel verset, il me mentionne telle et telle règle. Ça c'est halal avec telle condition. Ça c'est haram avec telle condition. Ça en tant que tel, seulement ces versets ne sont pas suffisants pour faire de toi un savant, un mujtahid, un mufti. C'est parce que tu as besoin de ta croyance aussi, n'est-ce pas? Tu as besoin de rappel, d'exhortation, de tout ce qui est derrière pour construire ta pensée pour pouvoir arriver à déduire c'est quoi les ahkam, ça veut dire ce qui est halal et ce qui est haram. Regardez ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le grand compagnon, il a dit: ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون biha. Il y a dit chaque verset et chaque lettre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est utile. Soit qu'il y a des personnes auxquelles elle a déjà été utile en termes d'action, ces personnes-là ont eu besoin de ce verset pour pouvoir agir, ou bien qu'il va y avoir un jour des personnes qui auront besoin de ce verset-là pour pouvoir agir. Pour pouvoir agir. Et ça, on le rappelle, c'est une chose importante, comme on le mentionne à chaque fois. On doit toujours se rappeler dans notre tête que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour toute l'humanité. Indépendamment de l'ère et indépendamment du lieu dans lequel la personne se retrouve. C'est pour toute l'humanité. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Parce que parfois, on a tendance à faire cette erreur, à penser, à évaluer ce que le Coran Karim il nous demande de faire selon seulement notre situation. Mais pourquoi est-ce que le Coran Karim demande de faire telle chose? Est-ce que c'est vraiment important dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur, etc.? Il n'y a pas seulement toi dans l'univers. Voyez-vous, il y a d'autres personnes qui vivent dans d'autres contextes culturels, etc., dans lesquels les situations sont complètement différentes. Et c'est pour ça qu'il y a des versets parfois qui ne te parlent peut-être pas à toi directement. C'est parce que ça ne répond pas à ta situation, à tes critères, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que c'est des versets qui sont inutile, ta'ala Allahu an dalik, ça parle à des personnes qui se retrouvent dans cette situation dans laquelle toi tu ne te retrouves pas, peut-être. Et pour finir avec cette question de l'ahkam, des règles dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, il faut mentionner que cette partie-là, l'extraction des règles du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du halal et du haram, c'est quelque chose qui est très relié. En plus de usul al-tafsir, ça veut dire des fondements de l'exégèse que nous allons couvrir, inshallah ta'ala, c'est très relié à une autre science de l'islam qui s'appelle usul al-fiqh, les fondements de la législation. Et on va voir tout un séminaire sur ça, inshallah ta'ala, dans quelques mois. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Taïb. Toujours avec, donc on est toujours avec notre introduction au message du Coran, du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, on a parlé des différents thèmes qu'on retrouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va passer à une autre section. Un autre point qui est très important aussi, qui est, c'est quoi les styles qu'on retrouve dans le Coran al-Karim. Les styles, quand on parle ici de style, c'est ce qu'on appelle asalib al-khitab. Asalib al-khitab, ça veut dire les styles de parole. On sait que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullahi azza wa jal. Et toute parole a un style. Parce que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran Karim, pas avec une langue qui nous est étrangère en tant qu'être humain, c'est notre langue, c'est l'oral arabiya, c'est la langue arabe. Donc en tant qu'être humain, on comprend cette langue. Donc c'est une langue qui contient certains styles que même nous, nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Qui peut nous mentionner certains styles? Hein? Oui, ça c'est plus au sens un peu artistique de la langue. Mais on parle ici en plus en termes de transmission de messages en tant que tel. Oui. L'interrogation, les questions, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes intéressé à venir aujourd'hui? Voyez-vous, donc, ça c'est un style qui est différent de dire, je peux dire de la même façon, je serais intéressé à savoir si vous êtes intéressé à venir aujourd'hui, et c'est pour ça que je demanderai à toute personne de me dire si vous êtes intéressé à venir aujourd'hui. Ça c'est une autre forme de le dire, mais je peux poser une question. Quoi d'autre? Oui. Les répétitions, très bien, quoi d'autre? L'impératif, donc les ordres. L'interpellation, oui. Les métaphores, etc., etc. Voyez-vous donc, et c'est ça ce que nous allons couvrir maintenant, inshallah ta'ala. On commence, comme le frère l'a dit, avec les métaphores. Amthalu al-Qur'ani al-Karim. Ça veut dire, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va trouver beaucoup de amthal, beaucoup de métaphores, beaucoup d'exemples, d'analogies. C'est quoi une analogie? Ils disent... ما في المثل من تصوير الشيء وتقريبه في الأذهان إذ هو تشبيه والتشبيه ينزل البعيد منزلة القريب والمعقول منزلة المحسوس. Ça veut dire, c'est quoi le but d'une analogie, habituellement en général? Une analogie, ça sert à rapprocher une information, à faciliter l'assimilation d'une information qui te semble éloignée, alors on va la comparer à quelque chose qui est plus proche, voyez-vous? Moi, je vais vous dire, je prétends comme ça, je ne suis pas parti, mais je vais vous dire comme ça. Moi, j'ai fait un voyage, je suis parti en Chine le mois dernier. Vous allez commencer à me demander des questions. Les maisons en Chine sont comment? Les gens s'assoient comment? Etc, etc. L'une des meilleures façons que je peux utiliser pour vous donner les réponses, c'est quoi? C'est avec les métaphores. Tu vois la table là-bas? Un peu plus haut que ça, etc. C'est ça le standard qu'ils utilisent en Chine. Voyez comment est-ce que vous vous êtes assis, c'est exactement la même chose, etc. Voyez-vous, donc ça c'est ce qu'on appelle des métaphores. تُنَزِّلُ الْبَعِيدَ مَنْزِلَةَ الْقَرِيبِ. Et des choses parfois aussi, la métaphore peut nous servir parfois à comprendre quelque chose qui est un concept, quelque chose d'implicite, quelque chose d'abstrait, qu'on ne peut pas toucher. On va la comparer à quelque chose qui est concrète, qu'on peut toucher, qu'on peut voir directement. Tu vas dire, l'exemple, tel exemple, c'est comme telle et telle et telle chose. Tu vas dire, ah, j'ai compris. C'est clair? Donc, ça aide à imager, ça te donne une image. Tu peux imaginer la situation, et c'est ça ce qu'on appelle une métaphore, et ça, on le retrouve beaucoup dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est parce que une métaphore, comme j'ai dit, ça aide à assimiler et ça aide aussi à interpeller. Parfois, ça t'interpelle. Regardez, on va donner juste un exemple. Bien sûr, ça, c'est chaque point qu'on est en train de mentionner, c'est toute une science, n'est-ce pas? Il y a des livres. Inch'Allah ta'ala, si j'oublie, vous pouvez me rappeler, Inch'Allah ta'ala, si vous voyez que je ne le fais pas après deux semaines comme ça. Si quelqu'un peut m'envoyer un email et je vais le faire, Inch'Allah, parce que parfois je promets des choses et j'oublie par la suite, je ne le fais pas de façon qui est volontaire. Si vous me rappelez comme ça, je peux vous préparer à la maison, Inch'Allah ta'ala, une liste de livres qui traite des différentes sciences qu'on est en train de couvrir, comme ça, des livres de référence, surtout en arabe, bien sûr, même si vous allez comprendre, Inch'Allah ta'ala, même pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'arabe, un jour, vous allez pouvoir lire l'arabe, Inch'Allah ta'ala, et ça va vous être utile, bi'idnillahi azza wa jal. C'est des livres, si vous êtes intéressé à vous spécialiser, à chercher plus, à chercher, à faire, n'est-ce pas, une recherche, à écrire un article, etc., ça peut vous servir de référence, inshallah. Donc, la question, par exemple, de Amthal al-Qur'an, des métaphores, des analogies qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, c'est tout un sujet, c'est toute une science. Et que les savants, les ulama, ils ont écrit des livres sur cette question-là, ça veut dire les métaphores dans le Coran Karim. Mais on va donner juste un seul exemple, comme j'ai dit, c'est parce que sinon on va jamais en finir. Dans sourate Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un exemple sur la médisance. La médisance, c'est haram. La médisance, c'est haram. Quand tu parles, la médisance, c'est bien sûr quand tu parles du mal de ton frère en son absence. Ton frère n'est pas là et tu vas dire du mal de lui, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Donc toi, en tant que musulman, tu sais que c'est haram. Al-riba, c'est haram, la médisance, c'est haram, etc. Mais le simple fait de te dire que c'est haram, parfois n'est pas suffisant dans certaines situations. Tu vas oublier. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne une métaphore. Une métaphore qui est puissante. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Il dit subhanahu wa ta'ala, l'exemple de la métaphore, c'est quoi? Est-ce que l'un d'entre vous aimerait et serait satisfait de manger la chair de son frère qui serait mort devant lui? C'est ça l'exemple de la métaphore. Ou bien c'est ça l'exemple de la médisance de Al-Riba. C'est quoi la compatibilité entre les deux? C'est parce qu'il faut toujours savoir que, et ça on va le voir dans notre séminaire sur Usul al-Fiqh plus en détail, c'est parce que la métaphore c'est une forme d'analogie, de qiyas, voyez-vous. Donc habituellement il doit toujours y avoir un point qui est commun entre la situation réelle et la situation à laquelle tu essaies de la comparer. Qui peut nous dire c'est quoi le point commun ici entre la médisance et entre cette métaphore qui est donnée? Oui. Taïeb, quoi d'autre? Pour montrer la gravité du péché. Par exemple, si on mange la chair d'un frère mort, tellement c'est grave que la médisance, c'est pareil. Ok, excellent. Donc, première chose, ça nous donne l'exemple entre la médisance, n'est-ce pas, et entre le fait de manger al-maïta, n'est-ce pas? Toi, tu te dis même, un animal mort, je ne le mange pas. S'il n'a pas été sacrifié de façon qui est halal, qui est légale, n'est-ce pas? Un animal comme ça que je retrouve sur le chemin, il est mort, est-ce que je le mange? Non, ta'afuhu nafsuk, yani, en plus du fait que ça soit haram, tu peux même pas t'en rapprocher, voyez-vous. Que dire d'un être humain? Que dire de mon frère? Celui que je considère comme étant mon frère. Et en plus de ça, c'est comme dire, entre guillemets, comme ça, que c'est un peu type de faire la médisance, de faire le riba. C'est parce que quand ton frère, il est absent, il peut pas se défendre, il n'est pas là pour dire « Ah, ce que tu dis de moi, ce n'est pas vrai, etc. etc. » C'est la même chose. Quand ton frère, il est mort devant toi, il ne peut pas se défendre et toi, tu te permets, parce qu'il est mort, parce qu'il est absent, de manger sa chair en quelque sorte. Voyez-vous, donc, ça c'est un exemple d'une métaphore qu'on retrouve dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Quand toi, tu vas apprendre une telle métaphore, est-ce que la médisance sera aussi facile qu'elle l'était avant? Non, c'est parce que ça te donne un élément de qui t'interpelle, en quelque sorte. Quand tu veux faire la médisance, parfois tu vas te rappeler de ce verset, tu vas dire, je peux pas le faire. Tu t'imagines comme ça en train de manger la chair de cette personne, comme ça il est mort devant toi et tu le manges, n'est-ce pas? Tu dis, je peux pas faire une telle chose. Voyez-vous, donc c'est ça, ce qui représente l'importance de la métaphore. Il y avait la sœur là-bas et après ça. Oui. Ah, allez-y. Le verset Al-Hujurat numéro 12. Al-Hujurat 12. Al-Hujurat, verset numéro 12. Encore une fois, vous allez avoir tous les versets, inshallah ta'ala, sur le document de référence. Al-Hujurat. Al-Hujurat. Excusez, parce que pour l'écrire des fois, je pense que c'est difficile d'écrire. Je parle pour moi, mais je pense que c'est difficile d'écrire la sourate en arabe. Oui, exactement. C'est 49. C'est la sourate 49-12. Mais comme j'ai dit, inshallah, vous allez avoir, après chaque séminaire, vous allez le document de Référence. Je sais que dans le document de référence, ce que j'ai fait toujours, c'est les versets sont écrits en arabe avec le référence. Je vais demander, inshallah ta'ala, à une personne qui est intéressée, un frère ou une sœur comme ça, qui lit l'arabe, n'est-ce pas? Après chaque document de référence que qu'on vous prépare, inshallah, s'il y a quelqu'un qui peut prendre l'initiative de prendre le document de référence et prendre seulement les versets, juste les versets, enlever le verset en tant que tel et à la place du nom de la sourate, mettre le nom de... le numéro de la sourate, ça veut dire le numéro du chapitre. Donc comme ça, les personnes qui ne parlent pas arabe vont avoir toutes les références avec des chiffres. Chapitre tel, verset tel. Chapitre tel, verset tel. Chapitre tel, verset tel. Ce n'est pas un travail qui prend beaucoup de temps. Si quelqu'un peut, inshallah ta'ala, se proposer pour le faire, bi'idnillah. Taïb. Donc ça c'est pour ce... Oui. Je vais pas poser ma question. Oui. Ma question c'était par rapport à la médicaments. Oui. Ok. La médisance, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné, elle est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala, après ça par son prophète alayhi salatu wassalam. Les savants, ils ont mentionné certaines exceptions dans lesquelles la médisance, elle devient licite. Comme par exemple, at-tadhallum. Quelqu'un qui réclame son droit, il considère qu'il a été traité injustement. Il vient pour formuler une plainte, mais pas une plainte seulement pour parler du mal de l'autre personne, une plainte pour demander de l'aide. Ça, ce n'est pas haram. Quelqu'un qui va se plaindre auprès d'un juge. En l'absence d'un juge, tu vas te plaindre auprès de quelqu'un qui est puissant. Entre guillemets comme ça. Un frère, il a été traité injustement par son autre frère, aîné ou autre chose. Il va aller voir son père. Il va dire, mon père, regarde ce que mon frère, il me fait. Telle et telle et telle et telle chose. C'est de la médisance, mais qui devient licite. Si la raison est de réclamer ton droit, tu veux réclamer que justice soit faite dans ta situation. Aussi, dans les situations de istifta, tu veux demander une fatwa, tu veux demander une question à un savant. Un homme ou une femme qui se dirige, qui vont aller vers un savant, qui veulent demander une question sur leur mari ou bien sur leur épouse. Et dit, ya cheikh, voilà ce que lui ou bien elle me fait. À chaque fois, il ou elle est en train de mentir. Telle et telle et telle et telle chose. Ya cheikh, est-ce qu'on devrait divorcer ou bien est-ce qu'on devrait telle et telle et telle chose? Donc ça, c'est de la médisance, mais qui est nécessaire. La même chose, si c'est pour mettre les gens en garde contre une personne qui pourrait être potentiellement dangereuse pour leur vie du bas monde ou bien pour leur religion et pour leur foi. Je vais aller voir un frère que je connais comme ça. Je dis, mon frère, je t'ai vu en train de parler avec l'autre personne. Je présume qu'il était en train de te demander comme ça un prêt, n'est-ce pas? Il veut emprunter de l'argent de toi. Il va dire, oui, exactement. Pourquoi? Mon frère, je te dis, attention. Moi, j'ai eu de l'expérience avec ce frère pendant des années. Il me l'a fait 3 fois comme ça. Il prend de l'argent, il ne retourne jamais. Il y a d'autres personnes, etc. Tu donnes une nasiha. C'est une nasiha que tu donnes et tu n'as pas d'autre choix que de le faire parfois de façon qui s'apparente à de la médisance. Ou bien pour ce qui est la même chose pour la religion des personnes, pour la foi des personnes. Attention, mes frères, il y a tel livre qui a été publié et ce livre-là contient des erreurs sérieuses sur la religion d'Allah, etc., etc., etc., etc. C'est de la médisance, mais qui est nécessaire. C'est clair? Juste que la psychologue aussi, le travail social aussi, tout ça, ça rend... Oui, oui, exactement. Si c'est pour demander de l'assistance. Oui, exactement. Non. Taïb, il y avait une autre question de ce côté? Non. Taïb. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Amfalu al-Qur'an, les analogies et les métaphores que nous retrouvons dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Une autre forme, un autre style majeur. Bien sûr, ici, on parle des styles majeurs qu'on trouve dans les paroles de le Coran Karim. On ne peut pas parler de tous les styles, c'est parce que ça ne va jamais en finir et on va entrer dans des détails de la langue arabe dans lesquels on n'est même pas spécialisé et détaillé et qui sont très profondes. Mais là, on parle de ce qui est général, ce que chacun d'entre nous peut facilement détecter et lire de façon qui est fréquente. Numéro 2, Qasasul Qur'an, les histoires qui sont dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Les contes, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte des histoires qui ont certaines caractéristiques comme ça, de façon très fréquente. Jusqu'au bout que certains savants, ils ont fait une estimation comme ça, du taux d'histoire qu'on retrouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est environ un tiers. Environ un tiers du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des qasas, c'est des histoires. Pourquoi selon vous? Qu'est-ce qui distingue une histoire en général? Oui. En tirer une leçon. Mais pourquoi, c'est quoi la différence entre tirer la leçon de l'histoire et entre donner la leçon directement? On peut facilement comme ça donner la leçon sans avoir donné l'histoire. Je veux dire, leçon numéro 1, ne fais jamais telle chose dans la vie. Leçon numéro 2, oui. Un exemple concret, donc, n'est-ce pas? Donc, ça nous donne une leçon. Ce n'est pas que ça formule une leçon seulement. Ça dit que, attention, c'est vraiment arrivé. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment arrivé et tu le sais. Quoi d'autre? Un autre avantage, oui. Excellent, ça t'aide à te rappeler, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas académique. Ce n'est pas, entre guillemets, comme ça, ce n'est pas plate. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme te dire, leçon numéro 1, tu dois savoir que. Leçon numéro 2, tu dois savoir que. Je vais te dire, vous savez quoi? En passant, il y a un frère comme ça, une fois, tout le monde va se retourner. Et ça, c'est n'importe quelle personne qui fait des conférences dans la khutbah de Jumu'ah, etc. C'est très clair. Ça, c'est, tu vois la différence sur place. Celui qui est en train de dormir comme ça, et celui qui regardait sa montre, etc. Je dis, mais frère, vous savez, juste pour vous donner un exemple comme ça, subhanallah, c'est arrivé l'autre fois, tout le monde va faire. Ils vont se concentrer pleinement, n'est-ce pas? C'est intéressant à écouter. Donc, c'est de l'apprentissage qui est intéressant. C'est divertissant, entre guillemets, comme ça, mais en même temps, tu es en train d'apprendre. C'est pour ça que, habituellement, les histoires, on les utilise beaucoup avec qui? Avec les enfants, n'est-ce pas? Parce que les enfants, ils ne veulent pas apprendre de façon que nous, on connaît. Ça veut dire livre comme ça, avec des lignes, numéro 1, 2, 3, oui. Exactement. Donc, vu que la majorité des histoires traitent de la vie des prophètes et des messagers, alayhi salat wa salam, comme la sœur elle a dit, ça renforce notre foi. Et ça, on l'a vu quand on a parlé de l'histoire du Coran Karim. On l'a vu dans quelle section qui peut nous le rappeler? On va parler de ça un peu. Oui. Exactement. Donc, les raisons derrière la révélation graduelle du Coran Karim. On avait dit que l'une des raisons derrière ça, c'est pour raffermir la foi et le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. Il fait face à des difficultés, il va entendre des histoires des prophètes qui sont passés par le même chemin, alayhi salatu wassalam. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, oui. C'est pas la prévention. Oui, c'est de la prévention, c'est une forme de prévention. Exactement. Apprendre des erreurs des autres. Et apprendre des bons coups des autres aussi, en général, dans la vie. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, dans Surat An-Nur. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a révélé, entre autres, de ce qui est mentionné dans ce verset-là, مَثَلًا, des exemples, des amfal, de ceux qui ont existé avant vous. Et c'est des exhortations. Maw'idatan lil muttaqin. C'est des rappels pour ceux qui ont la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le rappel est bénéfique à toute personne? Non. Le rappel, c'est pour celui qui veut se défendre. Il veut éviter le mal. Quand tu vas faire un rappel à quelqu'un qui n'est pas conscient de l'importance de sa santé, de sa vie, etc. Il va dire, mon frère, tu te rappelles, ton voisin prenait de la drogue, il est mort. Tu veux être comme lui? Tu veux être comme ton ami, etc. Il va dire, ouais, c'est vrai, il est mort, mais tu sais quoi, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ici, l'histoire lui a été bénéfique? Non, c'est parce qu'il n'a pas, entre guillemets, comme ça, la taqwa, n'est-ce pas? Il n'est pas motivé, il n'est pas déterminé à l'avance de vouloir éviter le mal. Donc lui, que tu lui donnes l'histoire, que tu ne lui donnes pas l'histoire, ça ne change pas grande chose. Mais quand une personne a un minimum de conscience, de bonne volonté, de bonne foi, de responsabilité, quand tu lui racontes une histoire d'une bonne ou bien d'une mauvaise expérience, il va en tirer une leçon et il va vouloir en quelque sorte bénéficier de l'expérience de la personne qui était avant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « fil Qur'an il karim ». Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Ça peut être dans l'examen en passant. Ces points que je vais mentionner maintenant, Inch'Allah. L'un des points à comprendre pour ce qui est de l'qasas dans le Qur'an karim, c'est que les histoires dans le Coran n'existent pas seulement pour un objectif d'authentification historique. Ce n'est pas un livre d'histoire au sens pur et simple du mot. Ça veut dire, c'est différent d'un cours d'histoire dans lequel on va te dire « Bienvenue au cours de l'histoire du Canada. Voilà ce qui est arrivé. En 1845, telle chose. » On va te donner des faits, n'est-ce pas? Et toi, ce qui t'importe, c'est de connaître les faits, n'est-ce pas? Pour pouvoir passer l'examen, d'autres, c'est pour avoir leur nationalité quand ils passent leur test, etc., n'est-ce pas? Mais pour ce qui est de « Qasasul Qur'an », les histoires qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça existe pour beaucoup plus que le simple fait de connaître les faits. C'est pour pouvoir en tirer des leçons. Numéro 2, deuxième point à comprendre pour ce qui est de Qasasul Qur'an, c'est que tout ce qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, incluant les histoires, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna hadha lahuwa al-qasasu al-haq » C'est des vérités absolues. C'est des faits qui sont purement authentiques. Il n'y a pas de conte de fées à l'intérieur du Coran Karim. Ce n'est pas des contes imaginaires, n'est-ce pas? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Luqman, l'homme pieux Luqman, comme dans Sourate Luqman par exemple, ce n'est pas une histoire imaginaire comme ça. Toi, tu peux raconter des histoires imaginaires à tes enfants. Tu vas lui dire, il y avait un homme, il s'appelait telle et telle chose, il est parti un jour, etc. C'est une histoire, tu inventes quelque chose, n'est-ce pas? Les histoires fi kitabillahi azza wa jal, c'est authentique. Les faits sont authentiques à 100%. Il n'y a aucune erreur, il n'y a rien qui est ajouté en quelque sorte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, un autre point. Donc jusqu'à maintenant, on a combien de points? 2. Numéro 3. Les histoires dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures des histoires. Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi les meilleures des histoires. Les histoires n'en finissent pas dans cet univers. Il y a probablement des milliards de milliards d'histoires dans cet univers, n'est-ce pas? À chaque seconde, il y a des millions d'histoires dans cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a sélectionné les meilleures histoires. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasasi » بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. On te raconte les meilleures histoires. Pourquoi est-ce qu'elles sont les meilleures? C'est parce que c'est celles qui sont les plus véridiques et c'est celles qui contiennent le plus d'enseignements et les enseignements les plus importants et les plus bénéfiques pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans l'autre verset, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Que dans leurs histoires, ça veut dire ceux qui ont existé par le passé, il y a une ibra, il y a des leçons à prendre pour ceux qui sont doués de raison. Li ulil albab. Il y a des personnes qui ne sont pas douées de raison, qui ne veulent pas apprendre de leurs expériences ou bien des expériences des autres, n'est-ce pas? Ils voient ce que les autres ont encouru en Afghanistan et en Irak, et ils se forcent quand même à vouloir faire la même expérience au Mali. Voyez-vous? Donc il y a des personnes qui ne sont pas douées de raison. C'est comme ça. Allah Ta'ala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Mais le croyant qui est doué de raison, il ne veut pas répéter les erreurs des autres, il n'a qu'à lire les erreurs du passé pour ne pas tomber dans le même piège en quelque sorte. Et c'est pour ça, en passant, que les histoires, en réalité, regardez, on va faire un petit lien comme ça pour compliquer les choses. Non, c'est pour vous apprendre, Inch'Allah. Les histoires, al-qasas, sont une forme de métaphore en réalité. Ça rejoint les métaphores. Mais c'est des métaphores qui sont vives, qui sont vraiment passées. C'est des faits, c'est quelque chose de concret. Tandis que les métaphores, tu supposes, tu dis c'est comme telle chose, ce qui n'a jamais existé en réalité. Mais les histoires, c'est une forme de métaphore. Pourquoi c'est une forme de métaphore? Qui peut nous le dire? Une forme, disons une forme d'exemple, d'analogie, pas vraiment de métaphore, parce qu'en français, bien sûr, il y a métaphore, analogie, etc., qui sont des synonymes de l'amthal en arabe. Pourquoi est-ce que ça représente des analogies en réalité? Parce que les histoires d'humanité se répètent. Se répètent et quoi d'autre? C'est un qiyas, un as, n'est-ce pas? Une analogie, oui. On fait des liens avec... c'est un lien, une comparaison entre une situation existante et une autre situation qui est éloignée. La situation éloignée, c'est ton avenir à toi. Ce que toi, tu veux faire demain, tu veux faire après-demain, etc. Tu veux comprendre qu'est-ce qui va se passer après ça, c'est quoi les conséquences dans l'avenir? Tu te réfères à quelque chose qui est concrète, qui est une histoire existante et tu vas comparer les deux, tu vas faire le lien entre les deux, c'est ce qu'on appelle une analogie. Et en réalité, c'est à travers une histoire. Et bien sûr, en plus de ça, parfois on va trouver dans les histoires aussi, ça fait partie des bénéfices des histoires qui sont dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous donner des leçons, mais c'est aussi pour qu'on puisse apprendre notre aqida, notre croyance, ça c'est de façon qui est implicite aussi. On va apprendre les histoires des prophètes, en apprenant les histoires des prophètes, on est en train d'apprendre notre croyance sur les prophètes et les messagers, et la sœur a déjà mentionné ce point avant ça. Taïb, après ça nous avons un autre style qui est qu'on retrouve fi kitab illahi azza wa jalla dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jadalul Qur'an. Les débats qui sont dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Un débat habituellement c'est entre deux personnes, entre deux parties. Les deux parties pensent, on parle d'un débat bien sûr dans la vie en général, pas dans le Qur'an Karim, les deux parties pensent détenir la vérité. Moi je dis c'est moi qui dis vrai, toi tu dis c'est toi qui dis vrai. Et parfois on va dire, taïb, on ne va pas juste dire t'as tes croyances, j'ai mes croyances, on doit trancher maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui est confus, une troisième personne par exemple, ou bien parce qu'on doit prendre une décision, etc. Donc là on va entrer dans un débat. Je vais présenter mes arguments, tu vas présenter tes arguments. Et souvent la question du débat ne se limite pas au simple fait de qui détient la vérité. Ça arrive souvent que celui qui détient la vérité va perdre le débat. C'est parce que le débat, c'est tout un art. Il y a des règles, n'est-ce pas? Il y a toute une logique. Tu dois détenir la vérité, bien sûr, parce que le faux, normalement, n'est pas défendable. Tu ne devrais pas défendre quelque chose qui est fausse. Ce n'est pas éthique de le... Éthiquement, ce n'est pas correct de le faire. Mais en plus de ça, quand tu détiens la vérité, tu dois savoir comment la défendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne certains des meilleurs exemples. Et bien sûr, encore une fois, c'est toute une science. Il y a des ulama qui ont écrit des livres sur al-jadal, sur les débats qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Et à chaque fois qu'on te ramène un mathal, ou bien à chaque fois qu'ils te ramènent, ça veut dire les polythéistes, ils vont te ramener un mathal comme ça, une analogie, on va te ramener une analogie, une métaphore, un exemple qui est encore meilleur, une explication qui est meilleure. Ça veut dire pour mettre à terre leur analogie ou bien leur prétendu argument. C'est parce que habituellement, une croyance qui est fausse, qui est al-batil, ne peut jamais avoir des arguments qui sont vrai. Sache que toujours, à chaque fois, et il n'y a pas d'exception à ça, quand une croyance est fausse, si quelqu'un utilise un argument pour essayer de la défendre, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose de mal avec cet argument. Il y a une certaine faille que si tu t'y connais comment faire et comment analyser, comment faire les débats, tu vas retrouver cette faille en quelque sorte. Je vais vous donner comme ça un exemple général. On retrouve fi surati ou bien dans l'histoire fi qissati Ibrahim alayhi salam. Quand il a débattu le prophète Ibrahim, Abraham, quand il débattait avec le roi, le tyran, qui a dit que moi, c'est moi le Seigneur, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est qui ton Seigneur? Il a dit, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur, tu veux savoir c'est qui? C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui accorde la mort. Ça veut dire que ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois adorer seulement Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala qui est Rabbu al-alamin subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que ce tyran-là il a dit? Qala ana uhyi wa umit. Il a dit non, non, c'est moi qui donne la vie et c'est moi qui donne la mort. Comment? Tfaddal. Il a dit regarde ce que je vais faire. Ramenez-moi ce prisonnier qui normalement a été condamné à mort. Il a dit toi t'es libre. Je t'accorde la vie. Tu étais supposé mourir, je t'accorde la vie. Et il a dit, ramenez-moi telle personne. N'importe quelle personne comme ça. Ramenez-la-moi. Vous l'exécutez maintenant. Ils l'ont exécuté. Il a dit, tu vois, ana uhyi wa umit. C'est moi qui accorde la vie, c'est moi qui accorde la mort. Bien sûr, la réponse qu'il vient de fournir maintenant, est-ce que c'est une réponse qui est sensée? Non, c'est du ridicule, n'est-ce pas? Mais parfois, ne perds pas ton temps. Et c'est ça ce que le Coran Karim il nous apprend. Parfois, ne perds pas ton temps à débattre de réponses, d'arguments ridicules qu'on va te donner. Mets-les comme ça de côté. Et passe à quelque chose qui va le mettre au chaos. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Qala fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Il a dit, ok, tu es le Seigneur, je te donne un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, c'est celui qui ramène le soleil le matin, de l'Est. Ramène-le de l'Ouest. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Il est resté sans réponse. N'est-ce pas? Il l'a mis au chaos, en quelque sorte. Voyez-vous donc, ici, le Coran Karim, il t'apprend à faire al-jadal. Comment débattre avec quelqu'un. Que parfois, tu ne vas pas entrer dans des détails comme ça, inutiles. Tu vas dire, non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi qui as donné la mort, mais c'est Allah qui a donné à travers toi et le qadar, etc. Tu vas entrer dans un débat qui ne va jamais en finir. Tu vas dire, ok, mettons ça de côté et tu vas le donner avec le code du chaos en quelque sorte. Voyez-vous, on trouve ça aussi dans l'histoire de Moussa alayhi salam quand il est en train de débattre avec Pharaon, avec le Pharaon. N'est-ce pas? Moussa alayhi salam, il parle de quelque chose de sérieux. Il lui parle, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala? C'est voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est telle et telle et telle chose comme dans Surat al-Qasas, etc. Et Pharaon, il veut détourner la discussion. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Comme ça, il, en quelque sorte, il essaye de mélanger le débat de Moussa alayhi salam, la présentation de Moussa alayhi salam, de mettre du parasite comme ça, du bruit. Il dit que votre prophète, votre message qui a été envoyé, votre messager qui a été envoyé vers vous, c'est un fou, c'est un possédé. Alors Moussa alayhi salam, en tant que prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait comment débattre, est-ce qu'il s'est arrêté comme ça? Il a arrêté sa présentation, etc. Il a dit quoi? Moi, je suis un fou. C'est quoi tes preuves? Tu es en train de m'accuser, etc., etc. Non. Il a complètement ignoré cette phrase. Il est passé et il a continué avec sa présentation sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça va t'apprendre comment parfois tu fais le débat. Avec quelqu'un comme ça, tu as parfois 3-4 personnes comme ça, ils sont intéressés par l'islam dans la rue, tu es en train de leur parler, etc. Il y a le gars comme ça qui intervient. Ouais, mais dis-leur ce que vous avez dans votre livre. Ça dit, regarde, verset 5, point telle et telle chose, frappez-les et faites telle chose. Et toi, tu es en train de faire ta présentation, est-ce que tu vas t'arrêter comme ça? Tu vas dire, non, ça c'est pas vrai. Et ce verset, c'est toi qui l'as pas bien compris, etc. Comme si tu n'existes pas. Tu termines avec ta présentation, tu vas dire, après on va discuter avec toi. Voyez-vous, donc, Qur'an Karim, il nous apprend comment faire les débats et comment débattre, et ça, on le retrouve beaucoup, dans, encore une fois, dans les histoires des prophètes et des messagers, alayhim as-salatu wa as-salam. Naam. Et finalement, dernier style qu'on peut repérer dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dernier des styles principaux, c'est Aymanu al-Qur'ani al-Karim. Ça veut dire les serments. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il jure. Yuqsimu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Al-qari'atu. Mal-qari'a. Wa ma adraka ma al-qari'a. Fala uqsimu bishafaq. N'est-ce pas? Etc, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure. Et il jure par ses créatures subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et avant ça, il jure par lui-même, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Mais ici, on doit comprendre encore une fois un point qui est important, qui est que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il jure avec ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Yuqsimu bima sha'a min khalqihi. Mais nous, ce qui est que de nous en tant qu'êtres humains, le prophète alayhi salatu wasalam nous a interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas jurer par une créature et dire par telle créature et par telle personne et par telle chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala yuqsimu bimasha. Nous, on ne peut jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala et par l'un des noms et ou bien l'un des attributs de notre Seigneur subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pourquoi est-ce que selon vous on trouve le qasam? Pourquoi est-ce qu'on trouve des serments comme ça dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça indique quoi? Pour mettre de l'emphase, pour montrer de nous rappeler l'importance de telle chose, la grandeur de telle chose. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala il jure avec une créature, c'est pour nous rappeler la grandeur de telle, d'une telle créature en quelque sorte. Naam. Taïb, est-ce qu'on peut jurer par le Coran? Le Coran, ça réfère à l'une des deux choses. Si jurer par le Coran, c'est le mushaf, le Coran, ça peut être le mushaf, ça veut dire le livre. Voyez-vous, le livre que toi, tu as entre tes mains comme ça. Si l'intention de la personne, c'est de jurer par le livre, ça veut dire le papier comme ça, n'est-ce pas, voyez-vous? Ça, c'est le papier en tant que tel, le papier, pas la parole. Distinguer entre la parole et entre le papier. Le papier, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de jurer par une créature. Mais si quelqu'un, il jure par le Coran, au sens, il est en train de jurer par le Coran en tant que tel, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-matlou, ce qui est récité, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, même si à ma connaissance, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est recommandé de faire, c'est parce que à ma connaissance, je n'ai jamais entendu quelqu'un comme ça, des ulama ou autre chose, jurer par wa kitabillah, wa al-Qur'an, etc., etc. Non. Mais en général, on peut jurer avec tous les attributs et tous les noms d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas? Non. Comme ils disent dans certaines cultures, ils disent wahiyat Allah, par la vie d'Allah. N'est-ce pas? La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'un de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-hayyu al-qayyum. Donc en jurant par la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose. Non. C'est clair? Tayyib, on va s'arrêter ici bi'idnillahi azza wa jalla. Après ça, on va passer à notre prochaine section qui porte sur al-i'jazu al-Qur'ani ou bien les miracles du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les miracles de al-Qur'an al-Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.